Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment les termes de l'émancipation économique, sociale et politique ont-ils été radicalement modifiés par trois grandes mutations contemporaines : l'entrée dans un nouvel âge du capitalisme, le capitalisme d'innovation, l'avènement d'un individualisme de singularité et le déclin de la performance démocratique de l'élection. Nous voici presque au terme de la grande fresque que Pierre-Auzan Vallon, titulaire de la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique, a consacrée depuis l'an passé aux années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique. Face au désenchantement démocratique, au populisme, aux maux du temps présent, l'historien-philosophe propose de retrouver les enthousiasmes, les aveuglements et les explorations de 1968 à nos jours en mêlant temps court et temps long. Les cours précédents sont revenus sur les trois âges de la modernité et de l'émancipation, de la période révolutionnaire au XVIIIe siècle à la réapparition du terme néolibéralisme dans les années Thatcher, les années 1980. À ces différents jeux de temporalité qui servent à mettre en valeur les déploiements de la modernité en parallèle des grandes mutations entraînées par les révolutions techniques et industrielles, loin de l'image simplifiée par la critique radicale des effets de cette modernité, Pierre-Auzan Vallon entrecroise son témoignage personnel, ses propres interrogations et ses recherches sur la démocratie, l'émancipation et le libéralisme avec la grande histoire collective. Ce travail qui articule donc la grande histoire et une histoire particulière vise, selon ses mots, à faire progresser la conceptualisation des phénomènes politiques contemporains. Et les interrogations de cette vaste fresque de l'histoire politique et des idées entre 1968 et 2018 s'achèvera sur l'interrogation sur la situation actuelle, comment elle s'inscrit dans la modernité. Pour Pierre-Auzan Vallon, il s'agit de proposer une critique constructive et efficace de la formule de la radicalisation de la modernité, et je le cite « C'est une toute autre perspective qui a guidé mon appréhension du moment présent, celle du constat d'un vide intellectuel sur lequel ont prospéré les idéologies du grand retournement. Considérer les choses de cette manière, c'est souligner que nous ne sortirons des menaces qu'elles charrient que par l'entrée dans un nouvel âge des démocraties et de l'organisation solidaire du social. Car c'est toujours dans les promesses non tenues de la modernité que s'enracinent les perversions régressives et les illusions mortifères. Quelles sont alors les mutations récentes du capitalisme et leurs conséquences pour le travail et notre façon d'envisager nos existences ? Comment les inégalités s'en sont-elles trouvées modifiées ? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 31 janvier 2018 pour le cours de Pierre-Auzan Vallon, aujourd'hui « Capitalisme d'innovation et individualisme de singularité ». La notion d'employabilité a été employée à la place de celle de qualification. celle de qualification définissait les traits permanents, je dirais, qui permettaient de considérer une personne comme adaptée à un certain nombre de tâches. La qualification, ce sont des normes d'adaptation à des tâches. Alors que l'employabilité, ce sont des qualités, en quelque sorte, de manifester sa flexibilité. C'est un sociologue de Sciences Po qui écrivait, Denis Grestin, de façon très intéressante, « Le sujet compétent, disait-il, est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour faire face à l'imprévu. » Donc, prendre des décisions pour faire face à l'imprévu, c'est le contraire de la qualification. La qualification, c'est on prévoit toutes les qualités ou toutes les fonctionnalités plutôt que peut avoir une personne. Et donc, là encore, on voit une rupture avec le paradigme antérieur du travail prescrit, avec toutes les conséquences, bien sûr, que cela a aussi en termes de stress accru ou de pression psychologique. Et le contraste entre la figure du travailleur et celle de l'artiste, qui constituait auparavant l'antithèse absolue, tend dans ces cas-là à s'amenuiser, mais à s'amenuiser sur un mode toujours précaire, sur un mode toujours à reconsidérer comme pouvant tomber en quelque sorte du bon et du mauvais côté. Et la productivité, elle est indexée dans ces conditions sur la capacité de mobiliser des ressources propres et à s'investir de façon autonome dans sa tâche, et non pas simplement à travers la capacité d'être adapté et de suivre de façon adaptative des processus indiqués. Et donc, les modes de régulation du travail en sont radicalement affectés, de même que tous les problèmes de rémunération changent aujourd'hui de nature, et que on peut dire que c'est aussi cette question qui met en cause les nouvelles conditions d'évaluation du travail conduisant à la mise en place d'inégalités absolument inédites. Car dans un monde où c'est la qualification qui compte, la différence des rémunérations est fondée sur la hiérarchie des fonctionnalités qui sont employées. Et la hiérarchie de cette fonctionnalité, elle peut être aisément décrite. Et elle peut aller, c'est tout ce que la sociologie, je dirais, de l'entreprise disait dans les années 60, cette fonctionnalité, elle peut indiquer, par exemple, un rapport de 1 à 20. Et la bonne façon d'indiquer ce rapport de fonctionnalité, c'était le niveau des études. Si vous avez fait le certificat d'études, vous avez des fonctionnalités que vous pouvez déployer valant 1, et si vous avez bac plus 2, vous avez à 4, et si vous avez bac plus 15, vous avez plus. Voilà. Et donc, c'était grosso modo une indexation des rémunérations sur une typologie des fonctionnalités, ces fonctionnalités étant tout entières absorbées dans ce que vaut la formation, puisque la définition même d'une formation, c'était la capacité d'exercer des fonctionnalités. Donc la formation était un indicateur satisfaisant, considéré comme satisfaisant, de cette hiérarchie des fonctionnalités. À partir du moment où c'est la singularité qui compte, l'échelle des différences peut être relativement infinie. Le signe que ce mode de production est actuellement le mode de production qui devient dominant, c'est le fait que la liste des grandes entreprises qui était restée relativement stable dans tous les pays industriels de 1950 à 1980 est maintenant bouleversée en permanence. Et on voit maintenant, on voit qu'aux États-Unis, toutes les entreprises de nouvelles technologies ont maintenant des capitalisations boursières très largement supérieures à Ford, aux compagnies pétrolières, etc. Alors, si ces changements ont eu un certain nombre de côtés positifs, ils ont aussi un exercice psychologique. Et là aussi, ce capitalisme d'innovation, il est un capitalisme dans lequel il faut en permanence évaluer et juger. Et ça n'est pas simplement justement un statut qui va pouvoir protéger, mais c'est quels sont les instruments d'intervention sociale qui vont permettre en permanence d'évaluer les distorsions, si je puis dire, de saisie de cette individualité. C'est aussi ce qui va changer radicalement les mécanismes de constitution des inégalités. Parce que l'ancien mécanisme d'extraction de la plus-value, qui était encadré et limité par le droit du travail, était relativement prévisible. Et donc, si l'exploitation, c'est l'extraction de la généralité, il était facile de mettre en place des mécanismes de contrôle de l'extraction de la généralité. Et on peut dire que ces mécanismes d'extraction, de contrôle de l'extraction de la généralité, c'est le droit du travail classique. Voilà. Alors que le rapport à l'innovation est tout à fait différent. Pourquoi la propriété intellectuelle est devenue aujourd'hui le terrain, un des terrains essentiels de la lutte sociale? Parce que c'est justement cette propriété intellectuelle qui va définir le rapport entre l'innovation et éventuellement la rente qu'elle peut induire. Sur tous ces points, il y a une littérature économique dont je n'ai pas à parler et dont je suis simplement un lecteur comme vous tous et comme tout le monde, mais il y a effectivement actuellement au collège deux professeurs qui donnent des cours dans cette direction-là. Il y a le cours de Philippe Aguillon sur l'innovation et il y a le cours de Pierre-Michel Minguère sur le talent. C'est une façon sociologique, une façon économétrique, disons, d'aborder ces questions-là. Et on voit que, quand on regarde justement de près cette question, même en termes très généraux tels que j'ai essayé de la définir, eh bien on voit bien que les conditions d'avancée du travail émancipé ont complètement changé de nature. Mais que ces conditions n'ont encore été que très imparfaitement explorées. Et si je reprends même les débats sur la question de la propriété intellectuelle, ils restent très balbutiants. Deuxième grande mutation contemporaine, c'est les mutations de l'individualisme. Je dis bien de l'individualisme et pas de l'individualité, parce que l'individualité, par définition, elle est ce qui a toujours existé. L'individualisme a longtemps été ce qu'on pourrait appeler un individualisme d'universalité, et il devient un individualisme de singularité. Qu'est-ce que l'individualisme d'universalité? C'est celui qui est défini, très simplement, par, disons pour prendre cet exemple, par la période révolutionnaire française, qui consiste à dire, très simplement, que l'individualisme ne caractérise pas un état social ou un fait moral. J'ai dit que le terme d'individualisme n'apparaissait que dans les années 1820. Donc en 1789, il n'avait pas du tout, pouvait pas du tout avoir ce sens-là. Mais ce à quoi il renvoyait, c'était à la constitution de l'homme en sujet juridique, porteur de droits, garantissant sa liberté de pensée et d'action, sa propriété, son autonomie, et en sujet politique, membre du souverain, exerçant son droit de vote. Il définissait donc une façon de faire société, un mode inédit de composition de l'ordre politique et social en lieu et place du vieil ordre corporatif et absolutiste. L'individualisme révolutionnaire était pour cela indissociable de l'idée d'égalité et de la reconnaissance d'une similarité entre les hommes. Le sociologue Georges Simmel a dit pour cela que c'était un individualisme de la similitude et que c'était ce qui qualifiait à ses yeux le mouvement européen des sociétés au XVIIIe siècle. Il voulait souligner avec cette expression d'individualisme de la similitude que l'aspiration à l'autonomie et à la liberté avait alors été indissociable d'un éthos égalitaire universaliste. La perspective individualiste, estimait-il, avait en effet comme présupposé que les individus, débarrassés de toute entrave historique et sociale, se révéleraient pour l'essentiel semblables entre eux. Liberté et égalité, dans ce cadre, deux valeurs qui se superposaient exactement. Une fois débarrassés des ordres, des tutelles et des structures imposées, les individus, pensait-on en effet, pourraient s'affirmer pleinement comme êtres humains. Chacun deviendrait un homme tout court. Et c'est la part de généralité qu'il y avait en chacun qui était niée, pensait-on, dans le monde, enfermant chaque individu dans son origine, dans son groupe local, et l'assignant donc à une existence mutilée. Être un plein individu, être soi-même, voulait alors dire non pas être différent des autres, mais voulait dire être semblable aux autres dans ces conditions. Quelconque, pour formuler la chose autrement. L'individu s'émancipait en étant défini comme un individu quelconque. L'individualisme, qui tendait ainsi à se réaliser, résumait Simmel, avait à la base l'égalité naturelle des individus, la représentation que toutes ces entraves étaient donc des inégalités artificiellement créées, et que si on les mettait de côté, avec leurs contingences historiques, leurs injustices, leurs pressions, l'homme complet surgirait. L'homme complet, c'est-à-dire l'individu universel, le pur semblable. Et un tel individualisme d'universalité avait une fonction de production du social. Il était au fondement de la constitution d'une société des égaux. C'est pour cela que je me suis intéressé à sa constitution au moment où j'écrivais mon ouvrage sur la société des égaux. Et qu'à côté de cet individualisme d'universalité, de similitude, dirait Simmel, est né aussi, mais de façon beaucoup plus marginale dans la société, un autre individualisme qui a pris la forme d'un individualisme de distinction. L'individualisme de distinction, c'est d'abord une forme d'individualisme propre au mode aristocratique, où l'existence aristocratique se définit justement qu'on est à la fois membre d'un corps, la noblesse, mais radicalement singulier dans l'appartenance à ce corps. Donc, on est dans un monde de la distinction. Dans un monde de la distinction dont un des meilleurs observateurs, c'est Saint-Simon, dans ses mémoires sur la cour de Louis XIV, là, on voit bien vraiment comment fonctionne cet individualisme de distinction. Et ensuite, bien sûr, cet individualisme de distinction, il va définir celui qui se caractérise justement parce qu'il n'est plus simplement un individu universel, mais un individu distinct, c'est l'artiste. Et donc, toute la littérature romantique sur l'artiste sera une littérature sur, justement, le propre de l'artiste et celui qui vit particulièrement dans le monde, parce qu'il vit dans le monde en obéissant à ce principe de distinction, alors que les hommes qui sont de conditions ordinaires sont eux encore condamnés à définir leur émancipation par justement le fait d'être semblables aux autres. C'est d'ailleurs une chose qui est sous-jacent à toute l'analyse évidemment de Tocqueville. Et on peut dire que l'individualisme de singularité contemporain consiste d'une certaine façon dans la généralisation de cet individualisme artiste de distinction qui l'a banalisé, qui lui a enlevé son côté élitiste, qui l'a démocratisé, si l'on veut. Et s'est ouverte avec lui, du même coup, une nouvelle étape de l'émancipation humaine, celle du désir d'accéder à une existence pleinement personnelle. Son avènement a été lié à la complexification et à l'hétérogénéisation du monde social, et donc aux mutations du capitalisme, dont je viens de dire quelques mots également. Mais plus profondément encore, je reviens sur cette question, au fait que les individus sont dorénavant plus déterminés par leur histoire que par leurs conditions. C'est l'affrontement aux événements, les épreuves subies ou les opportunités rencontrées qui façonnent aujourd'hui la plupart des existences, qui marquent des points d'arrêt, qui condamnent à des régressions ou entraînent des accélérations de trajectoire. Deux personnes sorties d'un même milieu ou ayant eu la même formation auront des parcours qui pourront diverger radicalement en fonction de leur situation de chômage, de divorce, des événements qui auront balisé leur parcours. Et les travaux des psychologues ont d'ailleurs mis l'accent sur le fait que les individus n'étaient dorénavant pas tant sensibles à ce qu'ils possédaient précisément à un moment donné qu'à ce qu'ils craignaient de perdre ou à ce qu'ils espéraient gagner. Donc c'est la façon dont on se pense dans une histoire qui détermine le rapport à sa propre situation, à sa propre condition. Et c'est de façon dynamique que les individus considèrent donc de plus en plus leur existence. Et l'individu histoire, nécessairement singulier, a ainsi en partie éclipsé l'individu condition, davantage identifié à un groupe. Alors bien sûr, cette dimension d'individu condition, elle existe toujours. Mais le phénomène nouveau, c'est le surgissement, pourrait-on dire, de cette autre dimension. Et témoigne aussi de cette évolution, j'en ai dit deux mots à propos de l'évolution du capitalisme, le fait que les inégalités ont changé de nature. C'est ce qu'on a appelé les nouvelles inégalités. S'y subsistent évidemment les inégalités entre catégories, les riches et les pauvres, les cadres et les ouvriers, les inégalités de territoire, etc., elles se sont d'une certaine façon individualisées, ce qui en change la perception. Les inégalités résultent dorénavant autant de situations, donc individuelles, qui se diversifient que de conditions, donc sociales, qui se reproduisent. Et les économistes parlent pour cela de la distinction entre des inégalités catégorielles et les inégalités qu'ils appellent intra-catégorielles. J'avais publié avec Jean-Paul Fitoussi un livre développant cette conceptualisation qui s'appelait « Le Nouvel Âge des inégalités ». Et que ces dernières inégalités, ces nouvelles inégalités, elles sont en effet parfois les plus durement ressenties car elles font ressortir des variables de trajectoire personnelle susceptibles d'être jugées marquées par l'échec ou l'incapacité. Elles n'ont pas le caractère évidemment objectif et donc psychologiquement rassurant des inégalités traditionnelles de conditions. Si elles peuvent aussi être attribuées à la malchance ou à l'injustice, elles ne s'en lient pas moins dans les têtes à un nouveau rapport de responsabilité. Et cette dernière est en effet mécaniquement réhabilitée dans un monde qui valorise la singularité. Et aujourd'hui, ce nouveau rapport à la responsabilité, qui devient souvent indissociablement une contrainte et comporte des éléments de valeur positive, dans la société qui se réindividualise sur ce mode, a des conséquences considérables sur les outils d'organisation de la solidarité, puisque la définition des outils traditionnels de gestion de la solidarité, c'est qu'ils avaient pour fonction de socialiser la responsabilité. Et l'assurance est un mode de socialisation de la responsabilité. Et cet individualisme de solidarité, de singularité, il correspond en même temps à de nouvelles attentes démocratiques. Dans la démocratie comme régime politique lié à l'individualisme d'universalité, le suffrage universel signifiait que chacun détenait une portion de souveraineté égale à celle des autres. Dans la démocratie comme forme sociale de l'individualisme de singularité, il y a l'aspiration à être important aux yeux d'autrui, à être écouté, à être unique. Il y a la formulation implicite d'un droit égal à être considéré comme un expert ou un artiste, à voir ses idées et ses jugements pris en compte, reconnus comme ayant une valeur identique. Et la publicité et les jeux organisés par les médias ne cessent d'ailleurs de l'affirmer, même si c'est pour les manipuler, en vue de leur propre fin, cette modalité de l'individualisme. L'appréhension de l'égalité comme qualité d'une société de semblables n'a certes rien perdu de son actualité. La forme la plus insupportable d'inégalité reste en effet le sentiment, est lié au sentiment de ne pas être traité comme un être humain, d'être rejeté hors du cercle, d'être considéré comme moins que rien. On peut dire que l'idée d'égalité se confond toujours dans ce cas avec la revendication d'être regardé comme quelconque. C'est ça l'égalité révolutionnaire. C'est le droit d'être quelconque, assimilé aux autres, de ne pas être assigné une spécificité excluante. Être reconnu comme un semblable, c'est être reconnu dans ce cas pour la généralité d'humanité qu'il y a en soi. Et la notion d'humanité renvoyant son origine à une qualité d'unité indistinction. Mais cette appréhension s'est en même temps complexifiée et élargie. Elle se lie dorénavant au désir d'être regardée par autrui dans sa particularité. avec son histoire et ses caractéristiques propres, de ne pas être considérée comme un numéro, comme on dit. Elle s'identifie donc à la volonté d'être quelqu'un. Et les conditions de l'individualisme contemporain, c'est justement ce jeu permanent entre la recherche du quelconque et la recherche du quelqu'un. L'aspiration à la singularité va radicalement transformer la conception des droits de l'homme, du coup, tels qu'ils avaient été classiquement appréhendés dans l'individualisme d'universalité. Elle ne prend en effet sens que dans la relation avec autrui. Trouver le sens de son existence dans la différence par rapport aux autres implique en effet de vivre avec eux. La notion de singularité ne saurait pour cela se confondre avec celle d'autonomie ou d'identité. L'autonomie est déterminée par une variable de position, statique en son essence, l'identité l'est par des variables de constitution. Nécessairement composite, elle est essentiellement donnée, même si elle peut évoluer dans le temps. Quant à la singularité, elle est définie par une variable de relation. La différence est dans son cas ce qui lie. Elle n'est pas un état, ce qui lie et non ce qui sépare. Elle suscite la curiosité, l'envie de découverte, le désir de compréhension d'autrui. L'égalité des singularités, loin de reposer sur le projet d'une mêmeté, implique au contraire que chaque individu se manifeste par ce qui lui est propre. Le fait de la diversité est dans ce cas l'étalon de l'égalité. Celle-ci signifie que chacun peut trouver sa voie et devenir le maître de son histoire, que chacun est pareillement unique. On peut dire que c'est ce qui fait la distinction aussi entre la particularité et la singularité. La singularité peut être facilement accordée avec l'idée d'universalité, parce que la particularité met chacun en situation d'être un humain pleinement, alors que la particularité renvoie non pas à la personnalité, mais la particularité renvoie aussi à une classe de particularité toujours. Elle n'est pas, alors que la singularité n'est pas une classe de singularité. Et cette forme d'égalité définit donc un type de société dont le mode de composition n'est ni celui de l'universalisme abstrait, ni celui du communautarisme identitaire, mais celui d'une construction et d'une reconnaissance dynamique des particularités. Ce basculement a des implications considérables. Il indique que c'est à partir de ce qu'ils ont en eux de spécifique que les individus veulent dorénavant faire société. La valorisation de la singularité a donc une dimension immédiatement sociale. Elle ne marque pas une tendance à la dissociation de l'individu vis-à-vis de la société, au sens d'un individualisme de repli, d'un individualisme séparateur, mais elle fonde plutôt l'attente d'une réciprocité, d'une reconnaissance mutuelle. La particularité, pour reprendre cette distinction entre particularité et singularité, la singularité rapproche, la particularité sépare. Cela conduit à l'entrée dans un âge pleinement démocratique du social, correspondant au constat que celui-ci n'est définitivement plus fondé en nature et qu'il repose uniquement sur une philosophie partagée de l'égalité. Correspondant également au fait que la démocratie comme régime n'est plus donc dissociée, la démocratie comme forme de société. Et la question des discriminations, la sensibilité aux discriminations dans le monde contemporain, elle est au carrefour de ces définitions du quelconque et du quelqu'un. Toute singularité s'affirme relativement, en effet, à celle qui l'entoure. Elle ne prend donc vie et forme que dans une démocratie de reconnaissance. Et le défaut de reconnaissance est du même coup ce qui en mine la constitution. Et la discrimination en est une des plus évidentes expressions. La discrimination se définit comme un traitement inégal des personnes en fonction de leur origine, de leur religion, de leurs convictions, de leur orientation sexuelle, de leur genre ou encore de leur handicap. La cause du traitement inégal, ce qui le rend illégitime, tient à l'assimilation négative d'une personne à l'un de ses caractères. Et le sujet de la discrimination, c'est toujours l'individu catégorie, C'est la femme, la personne de couleur, l'homosexuel, et la discrimination peut être définie de cette façon comme un déni croisé de similarité ou de généralité, puisqu'on renvoie quelqu'un à une catégorie particulière, donc on lui dénie le fait d'être un humain général, et un déni de singularité en même temps. Elle mêle les deux dimensions. D'où, me semble-t-il, les raisons pour lesquelles ces questions de la discrimination sont aujourd'hui considérées comme centrales à cause de cette position de carrefour. Et c'est ce qui donne sa centralité à cette discrimination comme forme de la négation de l'égalité dans le monde contemporain. On peut dire qu'elle est d'abord une pathologie de la singularité en assignant un individu à une classe de singularité qui est jugée dépréciative, diminutive. Et celui-ci est par exemple réduit à son origine ethnique ou à son sexe, toutes ses autres caractéristiques personnelles étant gommées ou occultées. On ne le reconnaît pas dans sa personnalité authentique, dans sa véritable et pleine singularité. Il n'est donc pas considéré comme quelqu'un. Mais on lui refuse parallèlement la qualité d'individu quelconque, puisqu'il est socialement enfermé dans une catégorie. La personne discriminée, de cette façon, doublement exclue de la société des semblables autant que de la société des singularités. Et c'est pour cela que la discrimination est une façon proprement moderne de produire l'inégalité. Elle est en effet une perversion interne à l'univers démocratique des principes de similarité-généralité et de singularité. Collège de France et France Culture vous présente l'historien-philosophe Pierre-Rosan Vallon, aujourd'hui 1968-2018, capitalisme d'innovation et individualisme de singularité. Conclusion qu'on peut tirer sur cet individualisme de singularité, c'est que la dynamique des droits est entrée pour cela dans une nouvelle phase de l'histoire. Je crois que là aussi, on ne peut pas se contenter de dire que le droit règne davantage. C'est une dynamique des droits qui s'applique à des enjeux sociaux différents. Donc là aussi, il ne faut pas simplement parler de l'extension et de règne du droit. Il faut parler d'un droit comme ayant aussi à traiter ces différentes catégories du quelconque et du quelqu'un sur des modes inédits. Le déclin de la performance démocratique de l'élection. Il faut rappeler que le citoyen actif s'est incarné dès l'origine dans la figure de l'électeur, le vote étant l'expression la plus évidente, même si elle a été progressive, de la nouvelle souveraineté du peuple. D'où l'attention portée aux conditions dans lesquelles les procédures électorales pouvaient répondre adéquatement à l'objectif de constitution d'un pouvoir légitime, ainsi qu'au projet d'une bonne représentation de la société et à l'impératif d'obliger les élus à rester fidèles à leur mandat. Et on peut dire qu'il en est résulté la longue histoire, dès le début du XIXe siècle, de tous les projets de réforme et de toutes les modifications institutionnelles conçues pour améliorer la performance démocratique des élections. C'est une réflexion qui a déjà été extrêmement nourrie pendant la Révolution française. Je rappelle que là, il y a le livre qui fait le mieux le point, celui de Patrice Guénifé, qui s'appelle « Le nombre et la raison » sur les élections pendant la Révolution. Et on peut dire que ces élections pendant la Révolution, avec quelques traits pas toujours très connus, mais essentiels, premièrement, c'est qu'il y avait des élections sans candidat. Il y avait des élections sans candidat parce qu'on pensait que ce qui menaçait le régime électoral, c'était d'être la mise en scène d'une compétition des ambitions ou d'une compétition des intérêts. Donc une bonne élection doit être une élection qui permette de déterminer la vertu et le talent. Mais si l'élection est comprise comme une compétition, la compétition va être fondée sur des éléments personnels qui vont perturber cette recherche du talent et de la vertu. Du coup, toutes les constitutions révolutionnaires ont eu pour principe d'interdire la candidature à des élections. Alors vous me direz comment on pouvait organiser des élections sans candidat. Pendant la Révolution, on votait dans des assemblées primaires qui, sauf dans les régions rurales, avaient un millier de personnes. Et ces assemblées primaires permettaient de désigner des représentants de second degré. Et comment élisait-on ces personnes? Il n'y avait pas de candidat, et cela veut dire qu'on procédait, il y avait un président de séance qui était la personne la plus âgée, qui constituait un bureau. Ce bureau était constitué par des personnes qui allaient être élues sans qu'il y ait de candidat. Et comment on élit sans qu'il y ait de candidat? Eh bien, s'il y a 1000 personnes dans une pièce, il va y avoir justement des notabilités qui vont ressortir, mais aussi des personnes très ordinaires, et en tout cas, généralement, entre 50 à 100 noms qui vont sortir sur des bulletins. Et pour passer de 50 à 100 noms à un seul nom, eh bien, il fallait généralement 2 à 3 jours. Donc, le fait d'avoir des élections sans candidat était un économiseur de perversion, mais un multiplicateur de temps, pourrait-on dire. Et c'était au point où, pendant la Révolution française, les électeurs de second degré, qui, eux, élisaient les officiers municipaux, les députés, le personnel ecclésiastique, des juges, etc. Il y avait beaucoup de postes qui étaient à l'élection. Eh bien, à Paris, la statistique était faite précisément par Patrice Guénifé. À Paris, en 1790 et 1791, les électeurs votaient 180 jours par an. C'est-à-dire 180 jours par an, ils étaient, comme il y avait beaucoup de personnes à élire, malgré cet inconvénient absolument énorme, on a maintenu le principe pendant toute la Révolution de faire cela, et en même temps, l'électeur, en même temps qu'on votait, devait prêter serment de voter simplement en étant déterminé par aucun intérêt particulier, en recherchant simplement la vertu et le talent. Donc, avant de buter dans l'urne, on devait réciter le serment. Alors vous voyez, ça c'est une particularité auquel on ne réfléchit plus maintenant. Mais on y réfléchit, par exemple, à travers l'idée de tirage au sort. En disant tirage au sort, ça peut être la compétition des ambitieux, ça peut être n'importe qui. Donc on voit qu'il y a dès cette période aussi une réflexion sur le fait que pour sélectionner des personnes, il y a différentes techniques. Il y a l'élection, mais il y a aussi l'examen. Et il y a aussi le tirage au sort. Alors ça valorise des qualités différentes. Si l'élection est avec des candidats qui représentent une opposition d'idées, ça va être un combat d'idées. S'il n'y a pas de candidat, ça va être la recherche de la vertu. Le tirage au sort, par définition, ça va être la sélection du quelconque. Ça veut dire que si on tire au sort, cela veut dire qu'on présuppose que n'importe qui en a la capacité. Donc on va définir la démocratie comme le pouvoir de n'importe qui. Et si on sélectionne des gens par un examen ou un concours, cela veut dire qu'on pense qu'on peut objectivement déterminer des qualités nécessaires pour une fonction. Alors, on le fait dans le domaine scolaire, on voit mal qui pourrait faire passer l'examen de président de la République, par exemple. Bon. Pour une raison très simple, c'est que l'élection a une supériorité sur toutes les autres techniques de choix, c'est qu'elle peut mêler toutes les raisons de choix. C'est-à-dire que dans l'élection, de fait, on peut voter pour des mauvaises et des bonnes raisons. On peut voter parce qu'on a réfléchi, on peut voter par passion, on peut voter par haine, on peut voter pour n'importe quel motif. Et le propre de l'élection, c'est qu'elle ne hiérarchise pas les raisons des électeurs. Alors que le propre d'un examen, c'est de rationaliser les procédures de sélection, puisqu'on les organise à travers des programmes, des examens, etc. Et en Chine, par exemple, aujourd'hui, il y a un sociologue qui s'appelle David Bell qui a publié un livre qui montre bien comment les Chinois font explicitement la théorie de la supériorité de l'examen sur l'élection, en disant « Dans les pays occidentaux, l'élection organise la compétition des intérêts ou la confusion des idées. Nous, pas d'élection. » Mais nous sommes plus démocrates, entre guillemets, parce que nous sélectionnons les personnes les plus capables. Bon. On peut discuter, mais c'est intéressant de voir qu'il y a là un thème qui a été amplement discuté au XIXe siècle. Le monde socialiste a beaucoup réfléchi au XIXe siècle sur les rapports de l'examen et de l'élection. C'est une chose qui est peu connue, mais qui est absolument fondamentale. Pendant la Révolution française aussi, on a pensé que les rythmes électoraux devaient être des rythmes très courts. Les constitutions révolutionnaires prévoient des représentants à l'Assemblée nationale élus tous les ans, dont l'élection des mandats d'un an seulement. Et on pensait même que pour certaines fonctions qui étaient stratégiques, comme présider l'Assemblée nationale, il fallait des mandats plus courts, puisqu'on changeait le président toutes les semaines. Donc, pour que personne ne s'improvise, en quelque sorte, le maître de l'Assemblée. Donc, ça changeait une rotation accélérée. Aux États-Unis, je rappelle que la Constitution américaine prévoit toujours que, au Sénat, c'est différent, mais à la Chambre des représentants, les représentants sont élus tous les 2 ans. Les mandats ne sont que de 2 ans. Et lorsque cet élément a été mis dans la Constitution américaine, il a donné lieu à une très violente polémique, une très violente opposition. Il y avait à peu près la moitié de l'Amérique qui pensait qu'il fallait en rester à un mandat d'un an, et les plus conservateurs qui trouvaient que 2 ans, c'était un temps très long qui permettrait de réfléchir. Donc vous voyez que dès la Révolution française, il y a eu cette réflexion. Ensuite, dès le début du XIXe siècle en France, il y a une réflexion qui était le vrai fondement de la réflexion sur la proportionnelle, qui était une réflexion sur ce que voulait dire l'égalité électorale. Est-ce que l'égalité électorale, c'est le droit de mettre un bulletin dans l'urne, donc c'est le droit de mettre un bulletin dans l'urne, ou est-ce que c'est le droit d'avoir un vote efficace ? Si vous votez pour la personne qui a été élue, votre vote, vous vous sentez représenté, votre vote compte pour quelque chose. Si vous votez pour quelqu'un qui a été battu, votre voix est perdue. Donc comment faire en sorte qu'il y ait un poids égal des voix ? C'est-à-dire que la voix de chacun produise un effet. Eh bien, il n'y a qu'une technique. La technique, c'est d'organiser les circonscriptions qui votent à l'unanimité. Et ça, c'est la naissance de l'idée de représentation proportionnelle. C'est-à-dire qu'il faut que le vote soit organisé de telle façon qu'il dégage des communautés unanimes qui est leur représentant. Et aux États-Unis, cette idée de communauté unanime, elle est à la base de tous les procès qu'il y a qui passent devant la Cour suprême sur ce qu'on appelle le redistricting, c'est-à-dire le découpage électoral, est considéré comme une atteinte à l'égalité de vote aux États-Unis, le fait d'avoir un découpage électoral qui empêche des minorités d'avoir des représentants. Donc c'est ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est la façon de découper les circonscriptions un peu en peau de léopard Et donc, on mettait, par exemple, les Noirs, on les mettait tous dans des endroits où il y avait plus de Blancs. Donc, ils pouvaient ne pas avoir d'électeurs. Et c'est vrai aussi pour des motifs de religion. Et il y a eu des arrêts de la Cour suprême qui obligeaient le découpage électoral à découper des circonscriptions homogènes, pour que là où des questions de communauté existaient, qu'elles puissent être représentées. Donc ça a été cela un premier élément de la réflexion sur l'élection. Il y a eu aussi, dans l'histoire du XIXe siècle, la représentation proportionnelle. Après, elle a un peu changé de nature. Elle n'était pas simplement une représentation qui permettait, dans une perspective individualiste, à chaque voix de compter, mais à chaque groupe d'exister. Donc elle était une renaissance, en quelque sorte, des idées du vote de classe ou du vote corporatif. Et les inventeurs de la proportionnelle moderne, qui sont les Anglais, ont fait une théorie de l'élection proportionnelle, qui était une théorie de représenter des ordres et des groupes au Parlement. Et donc, notamment, de pouvoir représenter la classe ouvrière. Bon. Ou de pouvoir représenter, ce qui est très important pour John Stuart Mill, de ne pas oublier de représenter les élites. Et donc, lui, il pensait que la proportionnelle était très importante parce que dans un pays qui allait vers le suffrage universel, les majorités allaient être des majorités populaires. Et donc, ces majorités populaires allaient balayer les élites. Donc, il fallait que les élites seraient moins nombreuses, mais resteraient influentes parce que, pensait-il, elles étaient plus intelligentes que les autres. Et donc, il suffisait qu'il y en ait des petits noyaux au Parlement pour que tout aille mieux dans la société. Et donc, c'est un des fondements du principe de représentation proportionnelle qui a eu lieu à cette époque-là. Il y a eu aussi, dès 1848 en France, toute la réflexion sur, bien avant qu'existent les primaires, toute la réflexion sur le fait qu'organiser un vote, à l'époque c'était un vote par liste, hein, en 1848, si ceux qui constituent les listes ne consultent pas les électeurs, l'électeur devient une machine à voter. Donc si l'électeur est une machine à voter, on n'est pas vraiment en démocratie. Pour être en démocratie, il faut que l'électeur puisse avoir une pleine puissance sur le mécanisme électoral. Comment ? Eh bien, aux élections de 1848, il y a eu réunion de comités électoraux composés de tous les électeurs. Donc tout, c'est une chose qui n'est pas très connue, mais tous les électeurs étaient invités à participer à des réunions électorales. Et c'est, alors bien sûr, il y avait des gens qui avaient de l'influence à l'intérieur, mais le principe, c'est que ces comités électoraux étaient ceux qui déterminaient les listes. Et donc, on était dans une situation proche de ce qu'on appellera à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, les primaires, ou, avec une formule un peu différente, les caucuses. Il y aura aussi la réflexion très importante sur les conditions dans lesquelles on peut rendre le mandat obligatoire. Parce que voter pour quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui va être un représentant portant vos intérêts, il faut qu'il continue à les porter et qu'il ne tourne pas sa veste. Donc comment rendre le mandat obligatoire ? Alors il y avait une contradiction, parce que le propre de la délibération, c'est qu'on ne peut pas dire une bonne délibération présuppose qu'on accepte une indétermination. Si la délibération, c'est simplement la confrontation de points de vue qui ne change pas, ben c'est simplement un rapport de force qui se mesure. Si on veut une vraie délibération, il faut que les personnes soient indéterminées ou puissent transformer leurs opinions. Et transformer leurs opinions, ça veut dire qu'elles vont pouvoir ne pas tenir compte de celles des électeurs, par exemple. Alors, il y a eu toute une réflexion en France, notamment sur les conditions dans lesquelles on pourrait judiciariser le mandat électoral. C'est-à-dire que les électeurs pourraient porter plainte devant les tribunaux pour non-respect du mandat électoral. Bon, on a tout de suite vu que ça soulevait des problèmes un peu compliqués. Et donc, on s'est contenté de lancer ce qu'on a appelé le barodet, c'est-à-dire de faire inscrire solennellement dans un registre les proclamations électorales de chacun. Ça existe toujours. Pour qu'il y ait en quelque sorte une mémoire permanente des promesses électorales. Il y a eu aussi, mais ça c'était dans l'Ouest américain, les processus de possibilité de révocation. C'est-à-dire que c'est une façon de jugement du mandat, d'un certain point de vue, qui est rendu possible dans ces procédures spéciales de recall qui sont très fréquemment employées aux États-Unis. On ne parle du recall que lorsqu'il y a un gouverneur, il y a des exemples de gouverneurs. Schwarzenegger est venu au pouvoir en Californie à la suite d'un processus de recall qui a fait renvoyer le gouverneur précédent. Mais il y a beaucoup de mécanismes de recall au niveau même des conseils des boards of education, des shérifs. C'est quelque chose qui est très, très vivant. Bien sûr, la discussion aussi sur le rapport entre la représentation et l'expression directe. Là aussi, il y a eu tout un tâtonnement des formules sur est-ce qu'on peut... Le peuple ne peut pas être le législateur direct, mais est-ce qu'il peut approuver les lois ? Donc il y a eu toute une tradition, à la fois dans le monde socialiste, dans le monde libéral, pour tourner dans tous les sens ces questions-là, et qui ont fait vraiment de cette discussion, on peut dire, sur les techniques électorales, l'indicateur de la vitalité démocratique. Et pensait-on une bonne élection si elle contribuait à élire des représentants, serait l'élection qui réaliserait la démocratie. Et s'il y a des défauts démocratiques, c'est que l'élection fonctionne mal. Or, nous voyons aujourd'hui que les mécanismes électoraux sont des mécanismes qui, au lieu d'être perfectionnés dans le sens d'une amélioration démocratique, remplissent de moins en moins bien tout un certain nombre de fonctions démocratiques pour des raisons structurelles. C'est-à-dire que la notion de représentation, le caractère représentatif de l'élection décline. Et le caractère représentatif de l'élection décline pour deux raisons, pourrait-on dire. La première raison, c'est que la représentation traditionnelle était implicitement sous-tendue par l'idée que la société, elle était composée d'ordres, de corps, de classes, de territoires, et qu'il fallait représenter ces ordres, ces corps et ces territoires. Les territoires, ils existent encore, ça, de façon facile à appréhender, mais justement, la société ne peut plus simplement être appréhendée en termes de groupes sociaux. Si la société est aussi composée de communautés d'expérience, si la société est composée et définie par des situations et pas simplement par des conditions, la notion même de représentation permanente, l'idée de représentation est une idée permanente, n'a plus du tout le même sens. Représenter veut dire comprendre des réalités qui se présentent successivement et non pas simplement représenter des conditions au sens traditionnel. Donc ça, il y a cette variable sociologique qui a complètement changé le rapport à la représentation. Et on reproche très souvent, justement, au monde politique de ne pas représenter des situations et de ne pas représenter des conditions non plus. Dans un autre ordre, ce qui est décisif, c'est que la représentation n'est pas quelque chose qui peut faire sens si on ne pense pas en termes de pluralisme. Représentation veut dire organisation de la pluralité. Organisation de la pluralité sociale, organisation de la pluralité des territoires, organisation de la pluralité des opinions. Or, dans un monde où la politique est de plus en plus centrée sur le pouvoir exécutif, le propre des pouvoirs exécutifs, c'est d'être un pouvoir centralisé, d'être un pouvoir unique. Et par définition, le pouvoir législatif peut structurellement être représentatif, le pouvoir exécutif ne peut pas être représentatif. Ou alors, il peut être représentatif avec une prétention à l'incarnation. Mais c'est tout à fait autre chose. La notion de représentation est inséparable d'une vision législative parlementaire de la démocratie. Dans une démocratie plus exécutive, le processus représentatif ne remplit pas simplement son rôle. On peut dire que d'un autre côté, les temporalités de la vie politique sont transformées de façon radicale. Avant, le propre de l'élection, c'était de permettre une projection, je dirais, de la performance électorale dans le temps. Si vous votez pour un programme politique qui va être appliqué, en même temps que vous votez, votre vote produit des effets dans le temps. Si la notion de programme décline, votre vote devient une nomination de personnes, mais a beaucoup moins un effet de projection dans le temps de la volonté générale. On peut dire de cette façon-là que l'élection était réduite très nettement à une dimension de nomination. Troisième grand élément de changement de l'élection, c'est que le présupposé démocratique central, c'est que la majorité, celle qui résultait de l'expression électorale, la majorité était l'expression de la société. Et donc que la majorité était l'expression de la grande majorité ou de l'immense majorité. Mais que lorsque l'on vit dans des sociétés dans lesquelles les victoires électorales sont beaucoup plus courtes, la notion de majorité a une capacité d'exprimer la volonté générale différente. La volonté générale exprimée par une assez large pourcentage de votants, ça a un sens, mais si la volonté générale est exprimée par 51%, et surtout qu'elle se manifeste sur des sujets différents, la notion même de volonté générale, dans son rapport à la notion majoritaire, change complètement de nature. Donc pour toutes ces trois raisons, on peut dire que la performance démocratique de l'élection structurellement décline, indépendamment même des progrès qui peuvent être parallèlement accomplis et qui sont tout à fait souhaitables en termes de cumul, voyons les débats français, hein, de cumul des mandats, de nombre consécutif de mandats, etc., etc., ou ceux qui existent aux États-Unis et dans tous les pays actuellement sur l'amélioration des régimes électoraux. Mais derrière cette amélioration, il y a ces facteurs structurels. Donc ces trois éléments concernant les transformations du capitalisme, on peut dire les transformations de la société, les transformations du champ démocratique, posent dans des termes complètement nouveaux l'émancipation conçue comme une démocratie plus active, l'émancipation conçue comme la mise en place de garanties sociales et l'émancipation définie par des formes d'appropriation collective de la production. C'était les cours du Collège de France le 31 janvier 2018. Vous venez d'écouter Pierre Auzan-Vallon, les années 1968-2018, une histoire intellectuelle et politique, aujourd'hui, capitalisme d'innovation et individualisme de singularité. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre Auzan-Vallon. Son essai « Le bon gouvernement » est disponible désormais dans la collection Point Seuil depuis 2017. Lié à cette série 1968-2018, Pierre Auzan-Vallon a récemment proposé un grand colloque sur la démocratie et la post-vérité que je vous recommande sur le site du Collège de France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre interrogation de la situation actuelle dans la modernité et ses enjeux en compagnie de Pierre Auzan-Vallon. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.